Mademoiselle Sophie par André Theuriet. Chapitre 1er. Je venais d'entrer dans ma 14e année. On prétend que le corps de l'homme subit tous les 7 ans une transformation, de même que le ver à soie change 4 fois de peau avant de filer son cocon. Pour ma part, ce que je sais bien, c'est que vers la fin de cette seconde période septenaire, il se produisit en moi une mue morale bien caractérisée. Je prenais des airs sérieux. Les joueries de mon enfance ne me satisfaisaient plus, même les livres d'images, qui m'avaient tant de fois mis les yeux et l'esprit en fête, me paraissaient monotones comme un vieux chemin trop souvent parcouru. Je commençais ma 4e, je traduisais les bucoliques de Virgile, et je m'intéressais d'une façon très particulière aux amaryllis et aux galatées que chantait le poète. Entre les lignes noires de mon livre, je voyais glisser leur forme féminine, plus douce que le teint, plus blanche que les cygnes. Je devenais rêveur. Certains vers me remuaient tout le corps d'un frisson mystérieux et me donnaient le pressentiment de je ne sais quelle tendresse inconnue. De mes prédilections enfantines, je n'avais gardé qu'un goût très vif pour le logis d'une vieille voisine chez laquelle j'avais été élevé et je passais toutes mes heures de liberté. La maison a disparu pour faire place à une bâtisse neuve, mais je la vois encore dans ses moindres détails. Elle était précédée d'une de ces vastes remises où les vignerons de mon pays fabriquent leur vin, économes des fouleries. Cette foulerie était plongée dans une ombre crépusculaire d'où se détachaient de hautes cuves sonores et de confus entassements de tonneaux. On montait quelques marches et on se trouvait dans la cuisine, dont le mobilier datait du 18e siècle. Rideaux à petits quadrillés roses et blancs, bouilloires d'un jaune d'or, fontaines de cuivre rouge repoussées, cafetière ventrue perchée sur 3 pieds recourbés, tous ces ustensiles d'autrefois dont on voit les formes élégantes et familières dans les tableaux de Chardin. En contrebas, s'ouvrait la chambre de notre vieille voisine, meublée dans le même goût, et dont la fenêtre prenait jour sur un jardin aux murs tapissés d'aristoloches, aux massifs peuplés de framboisiers. Toutes ces choses du vieux temps étaient un cadre fait à souhait pour la figure de Mademoiselle Sophie. Septuagénaire, mais encore verte d'allure, de taille moyenne, rondelette, la joue ridée et colorée comme une rainette qui a passé l'hiver, l'œil d'un brun vif, le nez proéminent, la lèvre charnue, le menton de galoche encore accentué par des dents manquantes, elle avait l'air bon et spirituel. Son bonnet lorrain, dont les longs tuyaux entouraient d'une auréole de tulle sa figure éveillée, laissait à découvert un front bombé et 2 doigts de cheveux blancs, crépus, rejetés en arrière à la chinoise. Elle était toujours proprement vêtue d'une robe de laine, dont le corsage croisé de laquelle s'enfonçaient les pointes de fichu de linon et dont les manches à gigot bouffaient autour des bras amaigris. Ses toilettes surannées, ses meubles contemporains de Louis XVI, mettaient autour d'elle une atmosphère du temps passé. Toute sa personne répandait un parfum antique du 18e siècle, comme ces éventails de merisiers qui exhalent, après de longues années, la bonne odeur du bois dans lequel leurs branches ont été taillées. Elle ne s'était jamais mariée, et je m'étonnais toujours qu'elle fût restée fille, tandis que dans sa famille, ses sœurs et ses cousines, malgré leur humeur acariâtre et chagrine, avaient toutes trouvé un mari. De la chambre de Mademoiselle Sophie, un escalier conduisait au grenier, qui occupait tout le 1er étage et dont elle avait fait son fruitier et son garde-meuble. Ce grenier était un véritable hospice d'invalides pour les meubles. Je l'avais choisi pour mon retrait favori. Dès mes plus jeunes années, je m'y aventurais comme Robinson dans son île, et j'y faisais toujours de nouvelles découvertes. Bouquins dépareillés, cahiers de romances copiés à la main sur de gros papiers grenus et verdâtres, uniformes rongés par les mites, épées rouillées, microscopes détraqués, boîtes à musique ne disant plus que la moitié de leurs airs. Il y avait de tout dans ce fouillis. Au fond, dans le coin le plus ténébreux, se dressait une haute armoire de noyer sculpté, dont les ferrures de cuivre luisaient faiblement dans l'obscurité et dont les panneaux, ornés de figures grimaçantes, avaient une physionomie étrange. Dans ma petite enfance, les voisines m'avaient dit qu'il ne fallait pas rôder près de cette mystérieuse armoire, parce qu'il y revenait un spectre, et ses défenses, tout en m'emplissant d'une crainte respectueuse, n'avaient fait qu'accroître ma curiosité. Dès que j'étais seul, je me glissais avec un léger frisson parmi les entassements de vieillerie qui aboutissaient à l'armoire, et je m'avançais bravement à la rencontre du fantôme. Tout à coup, un craquement funèbre partait des profondeurs du meuble, comme si le spectre, fatigué de sa réclusion, se fut décidé à pousser les deux bâtons et à paraître en face du curieux qui venait troubler son repos. Alors je reculai jusque dans la partie éclairée du grenier, tremblant à la fois et fier de mon audace. À 14 ans, ma croyance au spectre avait disparu, mais ma curiosité m'était restée. Le mystère de l'armoire hermétiquement close et visitée de loin en loin par Mademoiselle Sophie, qui serrait son linge et ses objets les plus précieux, agitait toujours mon imagination et m'intriguait d'autant plus qu'après chaque visite, la vieille voisine descendait du grenier avec l'œil plus humide et le front plus pensif. Un jour, comme elle y montait, je la suivis en tapinois et, caché derrière un paravent troué, j'assistai à la solennelle ouverture du meuble. Un prêtre qui ouvre le tabernacle ou la chasse aux reliques n'y met pas plus de recueillement et de pieuses précautions. L'un des battants était entrebâillé, mais cela ne m'avançait guère à cause de l'obscurité qui régnait dans cette encoignure. Heureusement, un filet de soleil, filtrant d'une chatière percée dans la toiture, tomba soudain d'aplomb sur les panneaux, et alors, grâce à cette traînée lumineuse, j'aperçus les trésors de l'armoire au spectre, boîte de marqueterie, scintillement de boucles et de tabatières ornées de cailloux du Rhin, mules de satin à hauts talons, rubans lamés d'or et d'argent, jupes de gros de tour et de lampas, dont les cassures miroitaient dans l'ombre. Je ne pus retenir un mouvement admiratif qui trahit ma présence et qui perdit tout. Le massif battant se referma, et Mademoiselle Sophie me prenait par l'oreille, m'intima l'ordre d'aller voir en bas s'il y était. Je m'éloignai, mais avec le sentiment d'une curiosité mal satisfaite, et avec le violent désir de contempler plus à mon aise les richesses contenues dans la spacieuse armoire. Cette rapide vision à travers le battant entrebâillé m'avait laissé, dans les yeux, un chatoiement qui m'obsédait. Dès que je pouvais me faufiler au grenier, je m'approchai avec précaution de l'armoire fermée, j'en tâtai les moulures feuillagées, je mettais un œil au trou de la serrure, j'aspirais, par les fentes, une vague senteur d'herbes aromatiques dont le parfum tenace aiguisait encore ma curiosité. J'avais eu, un moment, l'idée de faire appel à la bienveillance de Mademoiselle Sophie. Mais, après réflexion, je me dis qu'au cas probable d'un refus, ma demande indiscrète aurait pour unique résultat de me faire interdire l'entrée du grenier. Je résolus donc de me taire et d'attendre qu'un hasard heureux vînt à mon aide. Tout arrive. Il semble même que les choses qu'on désire ardemment arrivent avec plus de docilité, comme si elles obéissaient mystérieusement à une magnétique influence de la volonté humaine. Il advint qu'un beau dimanche, où tapis dans un coin de grenier, je lisais sans être vu un volume de Gil Blas. Mademoiselle Sophie, qui était en train de ranger son armoire, fut rappelée en bas par une visite et, dans sa précipitation, oublia la clé sur la serrure. J'avais entendu les battants tourner sur leurs gonds. La vieille fille, une fois descendue, j'aperçus l'anneau luisant de la clé qui scintillait dans un rayon de soleil. Incontinent, je plantai là Gil Blas et je me précipitai vers l'encoignure où j'avais tant de fois rôdé infructueusement. Enfin, j'allais donc me donner à loisir le spectacle de ces raretés si souvent convoitées en rêve. Je tournai doucement la clé, je soulevai avec précaution le bâton pour l'empêcher de crier, et j'ouvris. Chapitre 2. Ma curiosité fut si brusquement sollicitée par tant de richesses à la fois, que je me trouvais tout d'abord embarrassé de savoir par où je commencerais mon inventaire. Le temps me pressait. À toute aventure, je débutais par un coffret à incrustations de cuivre et d'écailles, posé à portée de ma main, et dont la poignée d'acier ciselé avait attiré mon regard. Le coffret était capitonné à l'intérieur d'une étoffe de soie rose sèche, et sur ce lit douillet reposaient seuls 3 objets très divers. Une miniature dans son cercle d'or, un volume in 32 relié en maroquin rouge, et une mince liasse de papier jauni rattachée par une faveur d'un bleu passé. La miniature représentait un jeune homme de 25 ans environ, vêtu à la mode de la fin du siècle dernier. Habit bleu à boutons de métal et à haut collet, col de chemise rabattu à la colin, et laissant à découvert un cou très blanc. Cheveux bruns sans poudre, retombant en oreilles de chien et encadrant une figure ouverte, très éveillée, aux yeux bleus bien fendus et caressants, aux joues rosées, aux lèvres rouges et souriantes. Après avoir contemplé attentivement cette jeune physionomie si sympathique, mes doigts palpèrent la liasse jaunie, puis, après un moment d'hésitation, je fis glisser la faveur bleue et j'examinai les feuillets de dimensions différentes, tant de fois dépliés et repliés que les plis s'étaient élimés et ajourés comme une dentelle. La première pièce du paquet était une lettre dont l'écriture bâtarde, très ferme et régulière, me frappa. Elle portait pour toute suscription ces mots, pour remettre après mon départ, elle était ainsi conçue. « Ma chère et unique amie, puisqu'un père cruel s'oppose à notre hymen et me ferme la porte de sa maison, j'ai l'horrible courage de m'éloigner d'un objet si cher à mon cœur, préférant ne plus vivre dans la ville où mon ami respire que d'y languir sans l'espoir de la posséder. Lorsqu'une personne sûre vous remettra ce billet, je serai déjà loin. En quel lieu vous retrouverai-je, ô mon ami adoré, ou plutôt vous reverrai-je jamais? Un pressentiment me dit que non. Maintenant qu'on m'arrache de près de vous, je n'ai plus qu'un désir, m'arracher aussi de cette vie. Dans une époque aussi troublée que la nôtre, les occasions de mourir ne me manqueront pas. Mais jusqu'à la mort, j'emporterai, ma chérie, le souvenir de cet amour à la fois vif et tendre, respectueux et fortuné, toujours fidèle et toujours nouveau, de ce véritable amour que m'inspirait et me rendait celle que j'adore. J'emporterai dans l'éternité la mémoire de ces doux moments où je pouvais vous presser contre mon cœur. Ah, quel mois divin que ceux où, pendant tout le jour, nous jouissions du bonheur d'être ensemble. Qu'elles étaient belles, ces journées obtenues après tant d'orages, et que tant d'orages vont suivre. Ô jardin de Rambercourt, à jamais présent à ma pensée, tu ne me reverras plus. Je vous laisse, ma chérie. Le livre que nous y lisions ensemble, ainsi qu'une fleur que vous aviez cueillie pour moi, et où je mets mon dernier baiser. Adieu, encore une fois, mamie, et mon trésor. Je mourrai avec votre nom sur les lèvres. Votre fidèle et malheureuse amie, Joseph Guillot. Ce 9 juin 1793. Au moment où j'achevais la lecture de cette lettre si touchante, à travers la phraséologie sentimentale qui était fort en usage à la fin du XVIIIe siècle, j'entendis du bruit dans l'escalier. Je n'eus que le temps de replacer la faveur bleue autour des papiers et de refermer le coffret ainsi que l'armoire après avoir empoché au préalable le volume 32. Puis je m'esquivai comme un voleur, ayant le cœur tout tremblant du méfait que je venais de commettre et la tête toute pleine de ce que j'avais lu. Une fois dehors, longuement, je réfléchis à la découverte que j'avais faite. La voisine ne m'avait pas menti, et c'était bel et bien un spectre que je venais de réveiller dans l'armoire du grenier. Je me retournai plus d'une fois avec inquiétude, m'imaginant que le fantôme de Joseph Guillot me posait soudain sa main sur l'épaule. Sa jolie tête, si jeune et si éveillée, était sans cesse devant mes yeux. D'où venait ce Joseph Guillot, et qu'était-il devenu? Quelle pouvait être cette jeune fille à laquelle il adressait un adieu si tendre et dont le nom manquait sur la suscription du billet? Qu'était-elle devenue à son tour? C'était tout un roman, et il me passionnait bien autrement que les amours pastorales des Galatées et des Amaryllis de Virgile. J'évoquais en pensée l'amoureuse inconnue du pauvre Joseph. Je me la peignais jeune, charmante, avec des yeux humides et tendres, des cheveux châtains, noués d'un ruban et s'échappant en boucles soyeuses d'un de ses bonnets à longue barbe, comme on en voit dans les portraits de Charlotte Corday. Je tirai de ma poche l'île 32 que j'avais dérobée et où je comptais trouver d'autres éclaircissements. C'était, je l'ai dit, un mignon volume relié en maroquin rouge et doré sur tranche. Il contenait le tome premier des lettres persanes, imprimé à Amsterdam chez Jacques Desbordes, 1740. Sur la feuille de garde, je lus en belle bâtarde, semblable à celle de la lettre, « Ex libris Johannis Josephi Guillot Bisuntini, 1790 ». Et à l'endroit où pendait le signet de soie vert pomme, je trouvais, desséché et noirci par le temps, la fleurette cueillie au jardin de Rambercourt et qui avait reçu le dernier baiser de l'amoureux. Les feuillets du livre gardaient l'empreinte laissée par la sève juteuse de la corolle fraîche. Il me semblait que quelque chose de la personnalité de Joseph Guillot était resté dans les marques de la sève extrabasée. En décollant pieusement la fleurette, je m'aperçus qu'elle était fixée au papier par une étroite et mince étiquette passée dans la tige, et sur laquelle Joseph lui-même, qui devait être un botaniste dans sa qualité de franc-comtois, avait écrit en caractère menu « Primula auricula ». Cela ne me disait pas grand-chose, mais je consultai le premier livre de botanique qui me tomba sous la main, et j'appris le nom vulgaire de la plante. C'était une oreille d'ours, fleur de la famille des primevères, jadis très à la mode, mais qu'on ne cultive plus guère aujourd'hui. À part l'ex libris et ce nom de fleur, l'île 32 dont je m'étais indiscrètement emparé, ne m'apprenait donc rien de nouveau. Je restais dans la situation de quelqu'un qui a lu un commencement de roman dans un volume dépareillé et qui ne peut plus retrouver la suite. Je ne pouvais même plus rôder à mon aise autour de l'armoire afin de profiter d'une seconde distraction de la voisine pour continuer mes investigations. Mademoiselle Sophie s'était sans doute aperçue de la disparition du volume des lettres persanes, car maintenant elle montait la garde au seuil du grenier comme le dragon fabuleux du jardin des Hespérides. Elle était devenue préoccupée, inquiète et défiante, et ne me sentant pas la conscience nette, je n'insistais plus pour monter au grenier, de peur que la vieille fille, dont les soupçons flottaient encore en l'air, ne finît par lire dans mon jeu et découvrir mon larcin. Chapitre 3e. Un matin du mois de mai, je me promenais avec Mademoiselle Sophie dans son jardin reverdi. Elle me montrait, non sans orgueil, ses tulipes et ses iris, quand j'aperçus autour d'une plate-bande une bordure de plantes modestes aux feuilles épaisses, d'où sortait une hampe terminée par un bouquet de fleurettes d'un brun velouté, exhalant une suave odeur vanillée. « Ce sont des oreilles d'ours, » me dit Mademoiselle Sophie, en s'arrêtant un moment pour les regarder d'un air attendri. « Ah ! » m'écriai-je en tressaillant, « des oreilles d'ours ?» Je poussai cette exclamation avec le même accent ému que dut avoir Jean-Jacques, lorsqu'il découvrit de la pervenche dans les buissons du mont Valérien. Puis je sentis que je me troublais. Je voulus me redonner de l'assurance, et ne trouvai rien de mieux que d'ajouter d'un ton pédant et avec affectation « Primula auricula !» Notre voisine se retourna tout d'une pièce, me dévisagea et pointant vers moi un doigt accusateur. « C'est toi qui as pris les lettres persanes, » affirma-t-elle d'un air menaçant. J'avais un pied de rouge sur la figure. « Moi, mademoiselle ? » essayai-je de me récrier, en payant d'effronterie et un jour en l'étonnement. « C'est toi, ne le nie pas, t'en étourne !» Je baissai la tête d'une façon piteuse. Je me voyais déjà dénoncé et chassé honteusement par Mademoiselle Sophie. Sans relever les yeux, je murmurai « Oui, mademoiselle !» mais d'un ton si bas, que les fleurs seules devaient entendre l'aveu de mon crime. Mademoiselle Sophie l'entendit pourtant et de sa même voix rude. « Va chercher le livre, » poursuivit-elle, « et rapporte-le-moi dans ma chambre. » J'obéis. Je me rendis à la maison et je tirai le petit volume de la cachette où je l'avais enfui. Puis je revins chez la voisine. Quand j'entrai dans la chambre, Mademoiselle Sophie était assise dans son fauteuil et près d'elle, sur un guéridon, j'aperçus le fameux coffret à incrustation d'écailles. Elle s'empara vivement du livre que je lui tendais d'un air confus, le feuilleta pour s'assurer que la fleur sèche était encore à sa place, puis, assujettissant ses lunettes sur son nez d'aigle, « Tu as lu les papiers qui sont là-dedans ?»« Je n'ai lu qu'une lettre, mademoiselle. »« Et tu as regardé le portrait ?»« Oui. » « Tu as commis une grosse indiscrétion, et tu l'as gravé par un vol. »« Pardon, mademoiselle Sophie, » m'écriai-je en m'agenouillant devant elle. Je m'attendais à une violente explosion, et j'essayais d'apitoyer l'irascible voisine en m'humiliant. « Pourquoi avais-tu volé ce livre ?»« C'est que, » répondis-je en balbutiant, « l'histoire du jeune homme au portrait m'avait intéressé, et j'espérais... » Je supposais que le livre m'en apprendrait plus long. Au lieu de l'orage de reproches dont j'entendais l'éclat en baissant le nez, je ne rendis qu'un long soupir, et quand je relevais les yeux, je vis que les traits de Mademoiselle Sophie s'étaient détendus. Sa physionomie avait maintenant quelque chose de mélancolique. « Pauvre Joseph, » murmura-t-elle, « n'est-ce pas qu'il était beau ?» Je m'exclamai avec conviction. « Oui, rien qu'à le voir, on devait l'aimer. » Et comme sa lettre était touchante. Celle-là qu'il écrivait, l'a-t-elle revue? Jamais. Et elle, qu'est-elle devenue? Le savez-vous, mademoiselle Sophie? C'était moi, répondit-elle simplement. En même temps, une rougeur recouvrit le front de notre vieille voisine. Vous? Dis-je, en laissant voir mon accent et dans mes yeux combien je trouvais merveilleux que cette respectable demoiselle, aux cheveux blancs et à la figure ridée, eût inspiré une passion au jeune homme du portrait. Elle s'aperçut de mon irrévérencieuse stupéfaction, mais loin de s'en offenser, reprit « Cela t'étonne. À ton âge, on croit volontiers que les vieux ont toujours été vieux. Mais il y a eu un temps où mes cheveux étaient bruns, où mes joues étaient roses et où j'avais 20 ans. « Oui, c'est moi, » continua-t-elle en soupirant, « et tu comprends combien j'étais navré, en découvrant qu'on avait fouillé dans cette cassette, pour y prendre un objet auquel j'attache tant de prix. » Je me confondis en excuses et je demandai de nouveau pardon. « Bah, tu es tout pardonné, » dit-elle en m'interrompant affectueusement. « Je suis trop heureuse de pouvoir enfin causer de mon cher Joseph avec quelqu'un qui est intéressé à lui. » Elle rougissait de nouveau comme une jeune fille, tout en m'attirant vers elle. « Vois-tu, il y a si longtemps que je garde toutes ces choses au fond de moi, sans oser en parler à ceux qui m'entourent. Avec toi, je puis soulager mon cœur. Tu n'es plus un enfant, te voilà grand garçon, et tu garderas honnêtement le secret que je te confie. » Elle m'avait fait asseoir tout près d'elle sur un petit tabouret. Le coffret était entre nous, et de ma place, je voyais des fleurs du jardin frôler les carreaux de la fenêtre de leurs longues grappes jaunes épanouies. Alors, Mademoiselle Sophie, tenant toujours mes mains dans les siennes, commença d'une voix un peu étouffée par l'émotion. Mon père avait 4 enfants, un qui est mort à l'armée, ma sœur Léonie qui a épousé le pharmacien Péchouin, une autre sœur qui est mariée aux Anglicaux, et moi, la plus jeune. On m'avait mise au couvent des Augustines, et on avait décidé que je serais religieuse. Quand les couvents furent fermés à la Révolution, et les religieuses relevées de leurs vœux, je revins à la maison, ce qui ne fit nullement plaisir à ma famille. Pendant mon noviciat, ma sœur Léonie avait été fiancée à un jeune homme de Besançon. Il avait été convenu entre les deux familles qu'il viendrait passer ses fiançailles à Juvigny, et qu'il prendrait la charge de mon père, qui était greffier au tribunal du district. Joseph Guillot, car c'était lui, vint chez nous en 1791. Je le vois toujours entrer dans notre salle basse avec son bonnet de fourrure, sa redingote à petit collet. On l'installa au premier étage et il prit ses repas avec nous. Mais il arriva une chose qu'on n'avait pas prévue. Joseph, qui ne connaissait ma sœur Léonie que par correspondance, ne se sentit aucun goût pour elle. Et par contre, une secrète sympathie s'établit entre lui et moi dès les premiers jours. Léonie a toujours été positive et très prosaïque. Moi, j'étais expansive et même un peu exaltée. Joseph et moi, nous lisions ensemble. Nous herborisions dans les bois de Rambercourt, voisins d'une ferme que possédait mon père. Joseph était très versé dans les sciences naturelles, et tout en m'enseignant la botanique, il finit par s'apercevoir qu'il m'aimait et que je l'aimais. Nous nous le dîmes dans cette ferme de Rambercourt, un matin, où les oreilles d'ours commençaient à fleurir dans les plates-bandes. Et nous résolûmes de garder le secret de notre mutuelle affection, jusqu'au jour où je ratins mes 21 ans. Mais il se dégage d'un amour caché, une subtile odeur qui le trahit. Ma sœur Léonie fut la première à s'en apercevoir. Froissée dans sa vanité, furieuse d'avoir été dédaignée, elle nous dénonça à mon père qui n'était pas tendre. Il y eut un éclat. Quand Joseph vint tout avouer et demander ma main, mes parents le congédièrent durement, en lui défendant de remettre les pieds à la maison. J'eus beau pleurer et supplier, rien n'attendrit mon père, qui était monté secrètement contre moi et Léonie, et Joseph, désespéré, s'éloigna après m'avoir écrit la lettre que tu as lue. Mademoiselle Sophie resta un moment silencieuse, tenant dans ses mains tremblantes le volume des lettres persanes, ouvert à l'endroit où l'oreille d'ours y avait été posée. Il avait juré de ne pas survivre au désastre de notre amour, et l'a tenu parole. Il était ardent royaliste, et entretenait des relations avec les agents du comte d'Artois. En octobre 1793, il fut arrêté au moment où il franchissait la frontière suisse, ramené à Paris, et traduit devant le tribunal révolutionnaire. J'appris sa mort par une gazette que Léonie laissa traîner avec intention dans ma chambre. Mademoiselle Sophie avait rouvert le coffret. Elle détacha la faveur bleue et me tendit 2 papiers qui accompagnaient la lettre que j'avais seule lue. Le premier était l'extrait d'un arrêté du comité de salut public en date du 10 Brumaire en 2 qui renvoyait, devant le tribunal de Paris, le nommé Jean-Joseph Guillot, âgé de 25 ans, accusé d'avoir eu des relations avec les frères du ci-devant roi et d'avoir tenté de faire passer à l'étranger des espèces monnayées d'or et d'argent. Le second était un fragment du journal du vin Brumaire, contenant la liste des personnes exécutées la veille, et à côté du nom de la citoyenne Roland, j'ai lu celui de Joseph Guillot. Voilà ce qui me restait de lui, dit notre voisine en essuyant ses yeux et en renouant avec peine la faveur bleue autour des papiers jaunis. Je déposais tout dans cette cassette et j'y enfermais aussi mon cœur. Depuis cette horrible date du Brumaire en deux, je ne vécus plus qu'avec mes souvenirs. Je ne parlais à personne de ce que ma sœur Léonie appelait charitablement mes scandaleux écarts de conduite. Plus tard, quand mes sœurs furent établies, on voulut me marier à mon tour. Mais je refusai net. Je m'étais juré de demeurer fidèle à Joseph et je me suis tenu parole. Je suis restée vieille fille, et quand je regarde le portrait de celui qui est mort en m'aimant, il me semble que je vois ses lèvres remuer pour me dire que j'ai bien fait. « Je vous adore, mademoiselle Sophie, » m'écriai-je avec enthousiasme, « je vous aime de tout mon cœur. » En même temps, je m'élançai vers elle et me jetai à son cou. « Tu es un bon enfant, petit, » me dit-elle, en me rendant ses caresses. « Reviens me voir souvent, nous parlerons de lui. » Je la visitai souvent, en effet, et souvent l'histoire de son amour pour Joseph Guillot revint dans nos entretiens. Elle avait gardé le souvenir de ce temps-là jusque dans ses plus petits détails, et sa conversation faisait revivre toute une époque oubliée. Pour la vieille voisine, c'était comme une refloraison de jeunesse. Pour moi, c'était une évocation d'un monde évanoui. Cette passion, âgée de plus d'un demi-siècle, mettait autour de nous une atmosphère de tendresse et de renouveau. L'antique parfum des fleurs dorées d'ours m'embaumait le cœur et de ma jeune imagination de collégien, je sentais sous cette chaude influence germer en moi les premières semences de l'herbe d'amour. 2 ans plus tard, comme je rentrais d'une excursion faite pendant la semaine de Pâques, on me pria de passer chez mademoiselle Sophie, qui était tombée malade et qui voulait me parler. Elle avait attrapé dans les courants d'air de son grenier une fluxion de poitrine qui, à son âge, menaçait d'avoir un dénouement funeste. Je la trouvai étendue sur son lit de bois peint. Elle était toute haletante et déjà très faible. « C'est toi, petit ?» murmura-t-elle d'une voix essoufflée, quand nous fûmes seuls. « Tu arrives à propos, car je n'en ai plus pour longtemps. Je sens que c'est fini. Écoute bien. Après ma mort, mes collatéraux viendront fouiller dans mes affaires, et je ne veux pas que mes reliques tombent dans les mains de ma sœur Léonie. Ce serait un sacrilège. » Elle s'arrêta pour reprendre son souffle et tira de dessous ses couvertures le coffret à incrustation. « Je te le lègue. » reprit-elle, garde-le en souvenir de moi. Ouvre-le de temps en temps, pense à Joseph, et aussi à la vieille Sophie qui l'a bien aimée, et qui mourra avec son nom sur les lèvres. Adieu, petit, prends garde au couvercle qui n'est pas très solide, et cache bien tout cela sous ta lévite. Maintenant, sauve-toi, ma sœur Léonie va venir. Je la quittai très émue, et je serrai la cassette dans mon pupitre. 2 jours après, mademoiselle Sophie était morte. Bien des années ont passé depuis lors, mais j'ai précieusement conservé la cassette. Le portrait de Joseph Guillot sourit toujours dans son cercle d'or. Sa lettre me remue toujours chaque fois que je la relis. Et dans le vieux volume des lettres persanes, l'oreille d'ours, noircie, me parle toujours des printemps lointains où fleurissait le fidèle amour de Sophie. Ainsi s'achève Mademoiselle Sophie par André Theuriet.